Si j'avais 17 ans là tout de suite, soyons lucides et je crois que je taperais un bout de shit, un double cheese, un tour de piste sur un boule 2000, fais une table ou de Lidl. Facebook ou Twitter, un coup sur Tinder, surtout pendant les cours, pas de goûter Kinder. C'est devant les condés qu'on découvre que c'est cool d'être mineur. En cas de galère, pas de calèche, pas de placard. Plus 3-4 gars à qui je prête allégeance. Je crois que mon rap a v'là les chances. Place au matraquage. Youpi, pas de loyer, pas de charge. Youporn, se branler en 4K, pas d'histoire. Et c'est ça le confort. Le East Pack est le seul sac qu'on porte. J'avais 17 ans, j'avais 17 ans. J'ai passé 30, j'ai passé 30. Bizarre comment le passé prend dessus, j'sais pas c'était étrange. J'avais 17 ans, malgré les années qui passent, et des fois je débranche. L'impression que j'suis pas assez grand. J'avais 17 ans, j'avais 17 ans. J'ai passé 30, j'ai passé 30. Bizarre comment le passé prend dessus, j'sais pas c'était étrange. J'avais 17 ans, malgré les années qui passent, et des fois je débranche. L'impression que je suis pas assez grand. Où je vais? Nulle part. Comme d'habitude, je pars vite. Voir mes potes en bas du bloc sur le parvis. 17 piges dans une smart grise. Plus de cartes grises, éclats de verre sur le pare-brise. Je traîne sur mon téléphone. Je mets des coms, les meufs bonnes, je les invite par 10. On veut des grosses sommes, fuck l'école. Tous les jours, c'est le week-end, le lundi, le mardi. Maman, promis, je fais rien. C'est vrai, je fais crévasser. Collé à la vie du RER A ou du commissariat sans m'élasser. Mes parents craquent, mais je veux pas bosser pour mille feuilles. Je veux passer la nuit avec une mille feux. Ici c'est la routine, mes potes me sifflent. Je viens de braquer mes nouvelles anoties, elles brillent de mille feux. Hein? J'avais 17 ans, j'avais 17 ans. J'ai passé 30, j'ai passé 30. Bizarre comment le passé prend dessus, j'sais pas c'était étrange. J'avais 17 ans, malgré les années qui passent, des fois je débranche. L'impression que j'suis pas assez grand. J'avais 17 ans, j'avais 17 ans. J'ai passé 30, j'ai passé 30. Bizarre comment le passé prend dessus, j'sais pas c'était étrange. J'avais 17 ans, malgré les années qui passent, des fois je débranche. L'impression que j'suis pas assez grand. Envie de croquer le monde, envie de croquer le monde, sans commettre de grosses erreurs. Envie de bloquer nos montres, envie de bloquer nos montres, troquer les minutes contre des heures. Envie de croquer le monde sur un coup de poker, multiplier les conquêtes sans commettre de grosses erreurs. Envie de bloquer nos montres et montrer qu'on va escroquer le temps et troquer les minutes contre des heures. J'avais 17 ans, j'avais 17 ans. J'ai passé 30, j'ai passé 30. Bizarre comment le passé prend dessus, j'sais pas c'était étrange. J'avais 17 ans, malgré les années qui passent, des fois je débranche. L'impression que j'suis pas assez grand. J'avais 17 ans, j'avais 17 ans. J'ai passé 30, j'ai passé 30. Bizarre comment le passé prend dessus, j'sais pas c'était étrange. J'avais 17 ans, malgré les années qui passent, des fois je débranche. L'impression que je suis pas assez grand.